Le spectacle de la troupe de propagande artistique des ouvriers du comité central de la Fédération générale des syndicats, consacré au 5e anniversaire de promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État, a eu lieu le 10 courant au palais central des ouvriers de Pyongyang. Y ont assisté les syndicalistes et syndiqués de la Fédération générale et autres ouvriers.